إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، ظاهرة من الظواهر الخطيرة انتشرت وعمت بين صفوف المسلمين، ظاهرة جعلت من المجتمع المسلم يتحول إلى مجتمع بعيد عن تعاليم دينه وروح مقاصده. إنها ظاهرة ضعف الإيمان مما عم وانتشر في المسلمين، ولضعف الإيمان أسبابا كثيرة، منها ما هو مشترك مع الأعراض مثل الوقوع في المعاصي وانشغال بالدنيا وغيرها. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضا منها من تلكم الأسباب. سشيء qu'un fléau qui touche les musulmans, un fléau qui s'est répandu comme une épidémie et dont les musulmans sont victimes, un fléau qui a fait que la société musulmane s'éloigne des enseignements de sa religion et des buts attendus par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce fléau, c'est la baisse de foi, la baisse de cette foi qui réside dans le cœur de chaque musulman. Elle est victime de baisse, et ceci touche malheureusement de plus en plus de musulmans. Et il y a à cette baisse des causes que nous allons, par la volonté d'Allah, citer durant ce discours. من تلكم الأسباب الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، وهذا مدعاة لضعف الإيمان. يقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الوقت، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فدلت هذه الآية الكريمة على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإيمانية مدعاة لضعف الإيمان في القلب. يقول حسن البصري رحمه الله: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. ومن تلكم الأسباب أيضا الابتعاد عن القدوة الصالحة، ولا يخفى أثر وجود قدوة صالحة بالنسبة للفرد. وكذلك من تلكم الأسباب الإغراق في الانشغال بالدنيا حتى يصبح القلب عبدا لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: تعس أي خسر عبد الدينار وعبد الدرهم. وهذه ظاهرة واضحة في هذه الأيام التي عم فيها الطمع المادي والشجع في الازدياد من حطام الدنيا، وصار الناس يركضون وراء التجارات والصناعات والمساهمات. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان ولو كان له واديا. وفي رواية لمسلم: ولو كان له واديا من مال لأحب أن يكون إليه ما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي أن هذا الإنسان جرى وراء هذه الدنيا لجمع الأموال بدون أن يشعر أحصل ذلك من حلال أم من حرام. ونهاية الأمر، ونهاية أمر كل إنسان، أنه يدفن في قبره ويمتلئ جوفه والعياذ بالله من تراب قبره، وهذه نهاية كل إنسان. Il y a plusieurs causes qui expliquent cette baisse de foi que connaissent de plus en plus de musulmans. L'une de ces causes, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui fait augmenter la foi, de s'en éloigner un long moment, une longue période. Et le fait de s'éloigner une longue période de ce qui augmente ta foi, comme de t'éloigner des mosquées, comme de t'éloigner des assises de science, comme de t'éloigner des personnes pieuses qui te font rappeler Allah Azza wa Jal, et bien de t'éloigner de tout cela a sans aucun doute une influence gigantesque sur ta foi et sur sa baisse. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Hadid, Surat le Fer, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah, et devant ce qui est descendu comme vérité, c'est-à-dire le Coran, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long. Ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, ont trouvé le temps assez long, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien, ils n'adoraient pas Allah Azza wa Jal, ils ne mettaient pas en œuvre tous leurs efforts pour se rapprocher de leur Seigneur, au point qu'ils trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcisse. Ceci sera la cause, ceci sera la conséquence, les cœurs s'endurcissent et beaucoup d'entre eux sont pervers. Car c'est la finalité d'un cœur dur, d'un cœur rigide, sa finalité est que la personne qui transporte ce genre de cœur dans son corps deviendra une personne qui désobéira à Allah Azza wa Jal et tombera dans la perversité, et voire même y trouvera goût. On déduit donc de ce verset que de s'éloigner de ce qui renforce ta foi est une cause de sa baisse. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah disait: nos frères sont plus chers à nos yeux que nos familles, car nos familles nous font rappeler cette vie d'ici-bas, quant à nos frères, ils nous font rappeler l'au-delà. Le fait également de s'éloigner des bonnes compagnies, des compagnies pieuses, des amis au pluriel, au féminin, des amis, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont pieuses et pieux. Et parmi les causes également de la baisse de foi, c'est le fait de se préoccuper de cette vie d'ici-bas au point que le cœur en soit un esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus et nous a mis en garde contre ceux qui sont les esclaves du dirham et du dinar, ceux qui sont les esclaves de ces biens, de cette vie d'ici-bas, ceux qui sont les esclaves de leurs passions, ceux qui sont les esclaves des euros. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham » connaîtra la perte celui qui adore le dirham et celui qui adore le dinar. Et ceci est clairement vu, et c'est ce que l'on constate de l'état des musulmans à notre époque. Les gens courent à travers cette vie d'ici-bas, courent à travers les commerces, à travers les entreprises, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé du but de l'existence de cet argent. C'est même Allah Azza wa Jal qui nous en informe dans un hadith Qudsi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons fait descendre l'argent pour que la prière soit accomplie et pour que la zakat soit acquittée. C'est le but de l'argent. L'argent qui va te permettre de subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille. De l'argent qui va te permettre d'avoir un toit, de pouvoir manger, de te nourrir, de nourrir ce corps, de le préserver, de prendre soin de ce corps afin qu'il soit prêt et qu'il soit apte à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et que toutes les conditions soient réunies pour que ce corps accomplisse les prières et que tu t'acquittes également de la zakat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et nous met en garde, ou Allah azza wa jal nous met en garde en disant dans ce hadith Qudsi, et si le fils d'Adam avait une rivière, il aurait aimé en avoir une seconde. Et s'il avait deux rivières, il aurait aimé en avoir une troisième. Et dans la version de Muslim, dans son Sahih, et s'il avait deux rivières d'argent, il aurait aimé en avoir une troisième, et ne remplira la bouche du fils d'Adam que la terre. Et Allah repent ou accepte le repentir de celui qui se repent. La fin et la destinée de chaque être humain est qu'il sera enterré dans sa tombe. Et au final, ce qui remplira sa bouche, ce sera la terre. À quoi donc ? À quoi donc courir derrière cette vie d'ici-bas, rassembler argent et biens, sans se soucier la plupart du temps de l'origine de cet argent, est-il licite ou illicite ? Pourquoi courir derrière cette vie d'ici-bas éphémère, alors que le riche comme le pauvre, leur bouche sera remplie de terre lorsqu'ils seront enterrés dans leur tombe ? ومن الأسباب أيضا الانشغال بالمال والزوجة والأولاد. يقول الله جل وعلا: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومعنى هذه الآية أن حب هذه الأشياء وفي مقدمتها النساء والبنون إذا كان مقدما على طاعة الله ورسوله فإنه مستقبح مذموم صاحبه، أما إن كان حب ذلك على وجهه الشرعي المعين على طاعة الله فهو محمود صاحبه. وأما فتنة المال فيقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. والحرص على المال أشد إفسادا للدين من الذئب الذي تسلط على غنم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Parmi ces causes, cette vie d'ici-bas, comme je l'ai dit, mais aussi en particulier le fait de se préoccuper de ses biens, de sa famille, de sa femme et de ses enfants, Allah Azza wa Jalla dit, sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, il a été embelli aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a le bon retour. Le sens de ce verset doit être compris comme il suit, à savoir que l'amour de toutes ces choses est à leur tête, les femmes et les enfants, lorsque cet amour vient après l'obéissance d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, alors cela est autorisé. Et celui qui a cet amour sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant à celui qui fait précéder l'amour de sa femme et l'amour qu'il a pour ses enfants à l'obéissance d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, alors cela est interdit. Alors cela est interdit car sa femme et ses enfants seront des causes qui le pousseront vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela n'est pas correct. Quant à cette tentation de l'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque communauté une tentation, et la tentation de ma communauté c'est l'argent, comme cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Et le fait de courir derrière l'argent et de faire derrière cette course sa première préoccupation, cela a des conséquences destructrices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer à quel point le fait de courir derrière cette vie d'ici-bas et d'en faire sa préoccupation principale est destructeur, il nous a donné une métaphore. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, deux loups affamés que l'on lâcherait devant un troupeau de moutons ne seraient pas plus destructeurs que cet homme ne serait pas plus destructeur pour la religion d'une personne qui accourt vers l'argent et vers la réputation. Le fait de courir derrière l'argent et de courir derrière la réputation et l'honneur est plus destructeur de la religion de cette personne que la destruction de ce troupeau de moutons par ces deux loups affamés. Ayyuha al-muslimun, inna asbab dha'f al-iman kathira ليس بالوسع حصرها ولكن يمكن أن يسترشد بما ذكر على ما لم يذكر منها والعاقل يدرك ذلك بنفسه وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم وهذه الصورة صور لها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بين القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم إذا تجلت عنه فأضاءه كما في سنن أو كما رواه أبو النعيم في الحلية وهو حديث صحيح. Les causes de la baisse de foi sont beaucoup plus nombreuses que ceux que je viens de citer, mais celui qui réfléchit et qui se remet en cause pourra prendre ces causes précédemment citées comme un début de réflexion et qui lui permettront, par la volonté d'Allah Azzawajal, de pouvoir énumérer toutes les causes qui sont derrière la baisse de sa foi, et chaque personne est un cas particulier. Il faut savoir que la foi baisse et augmente, comme nous en a informé Allah Azzawajal dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi une métaphore pour montrer que il est normal, cela ne veut pas dire qu'il est bien, mais qu'il est normal que la foi baisse, que la foi du croyant connaisse des défaillances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un cœur sans qu'il ne soit recouvert de nuages, comme les nuages recouvrent la lune lorsque la lune est claire, et qu'un nuage vient se mettre entre la lune et la terre, alors la terre devient sombre. Puis, quand ce nuage disparaît, alors la lune réapparaît et éclaire la terre. Ainsi est le croyant. Et ce nuage qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme image, ce sont les péchés. Le croyant tombe dans le péché. Et ceci a une influence sur sa foi. Mais le croyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, revient à sa foi, comme le cheval revient à son écurie. Puis ce nuage disparaît, se dissipe, et la lumière de la foi réapparaît et éclaire cette personne. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وفيما يلي أذكر عددا من الوسائل الشرعية التي يمكن للمسلم أن يعالج بها ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتطوين النفس على المجاهدة. ومن تلكم الأسباب لزيادة الإيمان الاتصال بالقرآن العظيم وتدبر آياته. القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواء فعالا. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما طريقة العلاج فهي التفكر والتدبر في آيات الله، وكذلك من تلكم الأسباب استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيها وعقل معانيها. ومن تلكم الأسباب أيضا لزوم حلق الذكر، وهو يؤدي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب، منها يحصل فيها من ذكر الله وغشيان الرحمة ونزول السكينة وحف الملائكة للذاكرين وذكر الله لهم في الملأ الأعلى ومباهاته بهم الملائكة ومغفرته لذنوبهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، كما في صحيح مسلم. Après avoir cité quelques causes de la baisse de foi, il est de la raison même de citer les causes qui permettent de corriger ce défaut et de guérir cette maladie et que la foi augmente parmi ces causes que l'on va citer à titre d'exemple, et ce ne sont pas toutes les causes, il faut avant tout s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui guide les cœurs. Et toute plainte doit être dirigée au Seigneur de l'univers. La première de ces causes, c'est d'avoir un lien proche avec le livre d'Allah et de méditer ces versets, ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur l'humanité ou pour l'humanité, dans lequel toutes choses y sont décrites. Ce Coran qui est une lumière par laquelle Allah azawajal guide qui il veut parmi ses serviteurs, et il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce Coran est une guérison, que ce Coran est un remède. Et Allah azawajal a dit, nous avons fait descendre dans ce Coran un remède et une miséricorde pour les croyants. Ce qui permet également d'augmenter la foi, c'est de prendre conscience de qui est Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre conscience de l'immensité d'Allah azza wa jal, qu'il est plus grand que toute chose, de connaître ses noms, de connaître ses attributs et de réfléchir à cela. Lorsque tu sais qu'Allah azza wa jal voit tout, réfléchis sur ce que veut dire voit tout. Il voit absolument tout. Il voit la fourmi noire en dessous d'une pierre noire, dans une nuit sombre, en plein milieu d'un désert. Il n'y a pas une feuille qui tombe sur cette terre sans qu'Allah Azza wa Jal en a parfaitement connaissance, et il la voit, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que veut dire Allah voit toutes choses, c'est-à-dire que rien, absolument rien, n'échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu réfléchis sur ce nom et sur cet attribut de la vue d'Allah Azzawajal, eh bien tu sauras qu'Allah Azzawajal te voit lorsque tu lui désobéis. Il te voit en train de lui désobéir, et cela doit te pousser à avoir honte de ton Seigneur. Lorsque le diable t'insuffle la désobéissance, rappelle-toi que ce que tu vas faire, Allah Azzawajal te verra. Et honte alors de ton Seigneur. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu n'as pas honte, alors fais ce que tu veux. Également de participer aux assises de science et de rappel, car ceci augmente la foi. Et le fait d'assister à des conférences, à des cours, ou à une assise dans laquelle le livre d'Allah est récité, eh bien cela fait en sorte que la miséricorde descend ainsi que la quiétude, et que les anges viennent entourer ces personnes, et Allah Azza wa Jal fait l'éloge de ces personnes aux habitants du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, un groupe de personnes ne s'assoit pour se rappeler Allah Azza wa Jal sans que les anges viennent les entourer, que la miséricorde viennent les englober, et que descendent sur eux la quiétude, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite leur nom auprès des habitants des cieux. ومن الأسباب أيضا التي تقوي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها وهذا من أعظم أسباب العلاج وهو أمر عظيم وأثره في تقوية الإيمان ظاهر كبير وقد ضرب الصديق في ذلك مثلا عظيما لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم. Et parmi les causes les plus immenses qui vont te permettre, chers musulmans et chères musulmanes, d'augmenter ta foi et de guérir cette maladie qui peut-être a touché ton cœur, c'est d'accentuer tes œuvres pieuses, d'accentuer tes œuvres pieuses et de combler ton temps dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci aura des effets directs, des effets dont tu verras les fruits par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui nous a donné l'exemple en la matière, c'est bien Abu Bakr radiyallahu anhu, le véridique, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a questionné un jour ses compagnons, qui aujourd'hui parmi vous jeûne? Abu Bakr a dit moi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui parmi vous aujourd'hui a suivi un cortège funèbre? Abu Bakr a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr a dit moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui parmi vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr a dit moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes ces choses, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, le même jour, il entrera au paradis. Hadith authentique, rapporté par Muslim dans son sahih. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا قوي يا عزيز. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره. اللهم اردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم دمرهم، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تبقي منهم أحدا يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.